des mentalité souvent je veux. Ça faisait un bail qu'on avait pas rappé. Nous on prend pas peur de karaté. Le parcours d'un karaté. Donc on s'arrête pas d'escalader. Sans son chien bavardé, bâtardé. Je vais pas tarder, veulent nous canarder. Dans le calendrier c'est rare voir talent briller le soir. Ouais je vais enquiller, j'ai mon pôle lentillé. Parce que speed j'hallucine, j'dis quand j'suis pas lucide. Ouais j'taffe pas à l'usine, j'ai envie d'avoir la mallette. Comment t'idée les manettes, mais le mallette ça s'attire. Comme on dit on pousse des palettes. Mon 18 instable, j'pète un cap. Ça part vite, la partie se finit souvent cartable. C'est du rap vermine, on termine pas thermique. Même quand j'bois, j'ai la bonne mine qui t'emmène dans d'étranges bois. On veut pas plaire, wesh mais qu'on se croirait dans Blair Witch. Un pied de biche austère quand on rap vient pas faire yesh. Faut arrêter de parler déjà cassé. Faut aller de l'avant avant qu'on tombe vu qu'ils nous ont déjà cassé. Moralement et j'en ai plus cassé qu'on s'entende pas assez pour se rassembler. Que toutes ces races puissent sembler une sans béton dans celui qui nous oppositionne. Et puis la suite, c'est pas la peine que je te questionne. Je te parle de flics de nous. On marche en boulot et je comprends pas pourquoi les fils des nous. Pourquoi les frères se défilent. Ils veulent notre poids et nous on le fait. Des fois je nous comprends rap. Alors je prends le rap pour dire ce que je pense mais ça t'a pour rap. Du moment que ça tape, tape, tu t'en tapes. On vient pérasser, par principe casser notre brassé. Déracer le passé, qui c'est ça qui vient tout casser. Mon terrassé, du béton, peu d'éclairage. Que des rails, tout dérape et que des rapaces. On m'avait dit, fais attention, le rap se contamine. T'as mis ta baramine, ta dynamite, abîme les comptes à crime. Y'a qu'on s'agrippe, dans ma cité on vit dans le dur. On prétend que notre terre ça dure. Qu'elle te cherche pour sa thune, ça pue la merde. Ici en bas des tours, y'a pas des tours, j'suis pas dans tous. Le disait le prof en cours, j'en profite pour en placer une pour être ce quart. Picasso, ça sent la mort et la vie suit son cours. Et la vie suit son cours. Nos sentiments sont fâches comme les vêtements qu'on t'a vendus au plus. Mon rap vient tout baiser, je précise cette phrase n'est pas dédiée qu'au pute. Je départ 18ème, t'inquiète, je le représente. Au sacré cœur, t'es en cardiaque, tu le connais, t'as plus besoin que je le représente. C'est vrai, frère, faut savoir s'y faire ou finir en civière. Chiffonne, civère, je suis vert. Si je te fonne pas, c'est que je suis déjà au cimetière. La zig, j'en ai fait ma vie. Basic Paris, j'en ai fait ma vie. Vas-y, vas-y, dégage d'ici avant que tu sois ma victime. J'arrive, mettre de l'orgue dans nos hordes. Faut pas qu'il y ait le discord d'ici. La trahison se paye si t'es pendu au bout du corps de pas. Toi, c'est à l'instinct de survie, écoute les pas. Son trou et la haine surgit, voilà encore un soir corps. Et si t'en veux j'en fais sur ça, me demande. C'est la thermie, voilà pourquoi les astros disent de mon perso. J'ai fait ma route avec cette vue de nuit sans phare. C'est toujours passé une nuit sans femme, y'a plus d'âme. On voit la clave, il s'enflamme à cause des têtes brûlées. Y'a du dégât, faut d'incendie, c'est des VK. Tu l'as senti, car ça fait mal, ça t'a senti. Par les urgences, si tu t'en tires, c'est vraiment que c'est de la pure chance. Pure chance. Paraît que j'ai l'air loufoque, que j'ai l'air compo, égoïste. Que mes contrôles de maths sont maintenant des contrôles de police. Mais je me moque de leur pensée du moment que je me marre. Les mecs disent que je smoque et que ça se voit à mon regard. Mais rien à battre, je suis fier quand mes baskets frôlent le sol. Tant que ne sonne le clair, en somme j'assomme le score seulement à la SCAR. Mais il paraît que je fous la frousse où je passe. Mais maintenant qu'à Paris MC et dis-moi couscous passe. Et dis-moi qu'est-ce que t'as toi, ne fais pas de boulette. Stéréotype russe roulette, je vois mal mon taf derrière une brouette. Et si je suis là c'est que je représente les mépris de justice. K.E.F.A. je ne suis qu'un gosse repris. Justesse, les cheveux à moitié crépus, les meufs ont du mal à s'y faire. J'ai pris tellement de vestes que je pourrais me refaire pour l'hiver. J'garde ma dignité, mes cartes des mondanités. J'essaie de rester dangereux dans mon son comme ma mentalité. Les mecs te parlent de moi comme les mecs qui se passent des lois. On faut que je passe des mois à tenter de rester toujours droit. Mais ça ne m'atteint pas, non, pareil pour ma défense. Je dis que le mic avec la haine car eux ne font pas d'efforts. Je ne suis pas un flic mais j'ai la haine. Car y'a trop de types qui ne sont pas en veine. Ceux qui se piquent, ceux qui se plaignent mais qui s'impliquent dans 18ème. On va moins de repos, plus d'un vœu sa scène. Mais ça c'est heureux, ça son. Pourquoi cette affaire n'est-elle pas classée? Et on répond du potassé dans la classe d'un policier qui se sent plus pissé depuis qu'il est déguisé. Et à qui d'aviser qui se sent visé? Tu n'apprendras rien devant le journal télévisé.